de fraîcheur, parfum de fadeur. Matin de dimanche, matin de rien. Sarah, tu vois, on peut me vieillir ensemble. Sarah, tu vois, c'est le jour de trop. Sarah, tu vois, c'est le temps qui déborde. Sarah, tu vois, c'est le temps qui déborde. Sarah, tu vois, c'est le jour de trop.